sympa la chanson, hein. Est-ce que t'as compris le yaourt que je chantais en anglais là? Ah non, je l'ai pas encore écouté encore. Je sais pas, mais je l'ai pas enregistré. Je le déteste quand il y a. Enfin, il y a beaucoup de reverb, mais la reverb c'est fait. Enfin, je déteste quand il y a beaucoup de reverb, mais la reverb c'est fait un peu pour donner un peu de. Comment tu dis ça là? Pour donner un peu de corps à la voix. Putain, t'as pas compris ce que je racontais? Bah tant mieux. C'est l'histoire d'un mec qui vend son âme au diable. Simple, hein? Sympa l'histoire. J'avais pensé, tu sais, when I sell my soul, quand j'ai vendu mon âme. Un truc comme ça. Et ça donnait un peu. Ta chanson, elle donnait un peu une ambiance un peu, tu sais, psychédélique, un peu sombre dessus là. Tu s'es inspiré à peu près, tu sais, les histoires de Crossroads là. Quand les artistes de blues ils rencontrent le diable sur le croisement d'une route là. Et que le gars, ils vont son âme justement pour avoir le truc. Yes, yes, voilà, c'est ça. Mais ta chanson, elle prêtait un peu à ça, quoi. Ça faisait aussi un peu penser, tu sais, aux les rythmes indiens d'Amérique du Nord, là. Il y a un peu les deux trucs à la fois, là. Un truc un peu, tu sais, sombre et spirituel. J'ai vendu mon âme. On a un truc comme ça. J'ai vendu mon âme au diable. No, I'm not the devil. Tell you bet you were the guilty knife until I bleed on a soul to the evil. Jimi Hendrix aussi. Sparrow. Oh,